Selon les masses médias, partout en Corée du Sud a été livrée la campagne contre l'installation du SAD, monstre de guerre américain. À la nouvelle que le truste Lotte a décidé le 27 février d'offrir son terrain de golf à Songju pour l'installation du SAD de l'armée américaine en Corée du Sud et conclu le contrat d'échange de terrain avec le ministère sud-coréen de la Défense, le comité de lutte de Songju pour le retrait de l'installation du SAD a tenu le même jour la veillée à la bougie devant la sous-préfecture de Songju. D'autre part, les campagnes à la bougie contre l'installation du SAD ont eu lieu aussi devant la mairie du canton de Nonso, de la ville de Kimpton et sur la place de la gare de Kimpton. Le comité de mesure de Daegu et de la province du Gyeongsang du Nord contre l'installation du SAD a tenu une conférence de presse d'urgence pour condamner la conclusion arbitraire du contrat d'échange de terrain entre le ministère de la Défense et le Trust Lotte et exiger l'arrêt immédiat de l'installation illégale et injuste de l'armement américain.